بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 33 dans l'explication du livre de Sheikh Al-Imam As-Sabuni rahimahullah, Aqidatu As-Salaf wa Ashab Al-Hadith, avec les commentaires et les explications du Sheikh Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Et donc on est toujours dans les versets, dans l'explication des versets qui ont rapport avec النزول نزول الرب سبحانه وتعالى ومجيئه يوم القيامة. Donc la descente d'Allah Azza wa Jal au dernier des cieux chaque nuit dans le dernier tiers de la nuit, ainsi que Al-Maji, c'est-à-dire la venue d'Allah Azza wa Jal au jour de la résurrection. On continue donc l'explication et la lecture des paroles de l'imam As-Sabuni. Donc il dit ici, Cheikh l'imam As-Sabuni, il dit: wa khabaru nuzul ar-rabb kull laylatin ila sama' ad-dunya khabarun muttafaqun ala sihhatihi mukharrajun fi as-sahihayn min tariq Malik ibn Anas 'an az-Zuhri 'an al-Aghr wa Abi Salama 'an Abi Hurayra akhbarana Abu 'Ali Zahir ibn Ahmad حدثنا أبو إسحاق إبراهيم ابن عبد الصمد حدثنا أبو مصعب حدثنا مالك حدثنا أبو زكريا حدثنا أبو حاتم مكي ابن عبدان حدثنا محمد ابن يحيى قال: ومما قرأت على نافع وحدثني مطرف عن مالك رحمه الله وحدثنا أبو بكر ابن زكريا أخبرنا أبو القاسم عبيد الله ابن إبراهيم ابن بالوية حدثنا يحيى ابن محمد حدثنا يحيى ابن يحيى قال: قرأت على مالك ابن على مالك عن ابن شهاب الزهري عن أبي عبد الله الأغر وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. الشرح قال: وخبر نزول الرب كل ليلة إلى سماء الدنيا خبر متفق على صحته مخرج في الصحيحين. لماذا خص الصحيحين؟ لأن الصحيحين يختلف وضعهما عن الكتب عن بعض الكتب، لأن الأمة تلقتهما بالقبول، وما تلقته الأمة بالقبول إيمانا به وعملا بموجبه يفيد العلم اليقيني، كما حكى ذلك الأئمة، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه النكت، ونقل ذلك عن شيخه البلقيني، ونقل عن فحول أئمة المذاهب حتى من المعتزلة أن الخبر إذا تلقته الأمة تصديقا به وعملا بموجبه أفاد العلم اليقيني. وهذا عليه كثير من فحول الأصوليين من مختلف المذاهب، وعليه أهل الحديث قاطبة. وأخبار الصحيحين كذلك تلقتهما الأمة بالقبول، وهذا أقوى من مجرد كثرة الطرق كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله. Donc on va lire l'explication. L'imam As-Sabuni, il dit, et les narrations au sujet de la descente du Seigneur chaque nuit au dernier des cieux ou au plus proche des cieux, c'est-à-dire au ciel qui est plus près de nous parmi les sept cieux que Allah a créés. Donc Allah Azza wa Jal, il descend au dernier des cieux, au cieux qui est celui qui est le plus proche de nous, c'est-à-dire le ciel de la dunya. Et ça, c'est une narration qui est authentique, rapportée dans As-Sahihayn, c'est-à-dire Al-Bukhari et Muslim. Ensuite, l'imam As-Sabuni, il mentionne les différentes chaînes de transmission de ce hadith. jusqu'à ce qu'il mentionne par la suite, à la fin, rapporté selon Abi Huraira, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que notre Seigneur, tabaraka wa ta'ala, il descend dans chaque nuit au dernier des cieux, au plus proche des cieux de la terre, lorsqu'il ne reste plus qu'un tiers de la nuit, le dernier tiers de la nuit. Et il dit, qui m'invoque pour que je l'exauce? Qui me demande pour que je lui donne? Qui demande pardon pour que je lui pardonne? Qui me demande pardon pour que je lui pardonne? Et Cheikh Rabi' Hafizahullah, il explique donc cette première partie lorsque l'imam As-Sabuni, il explique que cette narration, il est rapportée dans As-Sahihayn. Il dit, pourquoi on mentionne spécifiquement As-Sahihayn? Il dit parce que les hadiths qui sont rapportés par As-Sahihayn, Al-Bukhari et Muslim, ils ont un statut particulier parmi les autres livres de hadiths. Pourquoi? Parce que Al-Bukhari et Muslim, les hadiths qu'ils ont rapportés ont été acceptés par la Ummah. Ces hadiths-là ont été acceptés par la Ummah. Et quand on dit qu'ils ont été acceptés, le Cheikh dit qu'ils ont été acceptés, c'est-à-dire dans la foi et dans l'application de ce que ces hadiths impliquent. Et que ces hadiths-là, servent nous procurent une science certaine. Ces hadiths nous procurent une science certaine. Il dit, comme cela a été mentionné par plusieurs d'entre les imams de l'islam, et parmi eux, l'imam Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans Majmou' al-Fatawa, et le Cheikh, il a mentionné les références. Et ensuite, il dit, de même que parmi eux, Al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, celui qui est l'auteur du Sharh, ou un des auteurs, plutôt, l'auteur d'un des shuruh de Sahih al-Bukhari. Parce que Sahih al-Bukhari, il a été expliqué par plusieurs ulama. Mais un d'entre les ulama qui a fait le Sharh de Sahih al-Bukhari, et qui est peut-être un Sharh parmi les shuruh qui est le plus complet de par rapport aux autres, eh bien, c'est le Sharh de Ibn Hajar, l'imam Ibn Hajar, al-Hafiz, Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah. Et il a cité ce point-là, le point que qu'on a mentionné du fait que les hadiths de As-Sahihayn, al-Bukhari et Muslim, ont été acceptés par toute la Ummah. Ils ont été acceptés par la Ummah. بالقبول يعني تلقته الأمة بالقبول. Donc la Umma a accepté les hadiths d'Al-Bukhari et Muslim. Donc quand on dit la Umma, ont accepté ces hadiths-là, c'est-à-dire يعني, les ulama, c'est-à-dire les ulama, parce que les ignorants, ils n'ont rien à accepter de ces hadiths-là, dans le sens qu'ils n'ont rien à dire par rapport à l'authenticité des hadiths, ils n'ont qu'à suivre et accepter, puisqu'ils n'ont pas le niveau de connaissance pour être capable justement de juger et d'analyser l'authenticité des narrations et d'étudier les chaînes de transmission ou de connaître les règles qui ont rapport avec ces questions-là. Mais les ulama de hadith et les savants du hadith et les imams de la Umma, ils ont été tous d'accord sur l'authenticité de ces hadiths qui sont dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Donc, Al-Bukhari et Muslim, leur hadith qu'ils ont rassemblé dans leur Sahih, ils ont un statut particulier, ces hadiths-là, par rapport à leur authenticité. Et la science qui est procurée par les hadiths qui sont rapportés par Al-Bukhari et Muslim, eh bien, c'est une science qui est certaine. Et ça, Al-Hafiz ibn Hajar, il l'a cité dans son livre An-Nukat. Et An-Nukat, c'est un des livres qui parle de Mustalah al-Hadith, c'est-à-dire les règles des terminologies du Hadith et la science du Hadith. Et ce livre-là, justement, Cheikh Rabi' Hafizahullah, il a fait son tahqiq. Donc, Cheikh Rabi, il est très familier avec An-Nukat. Et c'est un livre qui est très important aussi par rapport à la science. Et ensuite, il dit, et il a cité cela de son Cheikh Al-Bilqini. Donc, Al-Hafidh ibn Hajar, il cite ce principe-là de un de ses shuyukh qui est Al-Bilqini. Et il dit que ça a été également rapporté de la part des étalons parmi les imams des différents madhahib, y compris même jusqu'à ceux des Mu'tazila. Hein? Subhanallah. Donc, il dit que la narration qui a été acceptée par la Umma, eh bien, on doit y croire et on doit le mettre en pratique. Et on doit yani, comprendre qu'il procure une science certaine. Ces hadiths-là procurent une science certaine. Et c'est sur ce, quoi, yani, et c'est sur ce principe-là que beaucoup d'entre les étalons parmi les savants de Usul al-Fiqh, également des différentes écoles et des différents madhahib se positionnent. Il dit, et les gens et tous les différents savants de Ahlul Hadith sont tous d'accord sur ce principe-là. Et il dit, et les narrations donc de Al-Bukhari et Muslim dans leur sahih respectifs, hein, ils ont tous donc été acceptés par la Ummah. Et donc, c'est beaucoup plus fort, hein, le fait de dire que la Ummah a accepté ces hadiths-là. Ça a beaucoup plus de force et ça a beaucoup plus de poids que la quantité de narration yani, par laquelle une parole a pu être rapportée. Donc, c'est plus fort encore que le nombre de chaînes de transmission. Comme cela a été expliqué par Al-Hafiz ibn Hajar. Ensuite, le Cheikh il dit: ثم ساق المصنف رحمه الله أحاديث من طريق أبي هريرة منها ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له. والحديث صحيح لا غبار عليه بل بعضهم يدعي فيه التواتر وهو نص واضح في رد تأويلات الجهمية وفروعهم الباطلة الذين يقولون وجاء ربك والملك صفا صفا يعني جاء أمره وفي النزول نزل أمره أو نزلت رحمته أو نزل ملك. طيب هل الرحمة تتكلم والأمر يتكلم ويقول من يدعوني فأستجيب له وهل الملك يقول هذا الكلام من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. هذا تأويل فاسد غاية الفساد وفي غاية الضلال والعياذ بالله. وهل الملك يقول هذا الكلام من يدعوني فأستجيب له؟ الله وحده الذي يستجيب الدعاء لا أحد غيره أبدا. والدعاء عبادة وهي خاصة بالله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين فلو قام من الليل يسأل الملك يا ملك حاجتي كذا وكذا فإنه يكون مشركا ضالا. فهؤلاء تأويلهم إبطال للصفة ويؤدي إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. وأنت إذا دعوت لا تقول يا رحمة الله أو يا أمر الله بل تقول يا الله. يعني تأويلاتهم فتأويلاتهم فساد في فساد وضلال في ضلال. ما الذي كلفهم بهذه الأشياء؟ Donc ici, le Cheikh il explique et il dit, en ce qui concerne le hadith, il rapporte l'imam al-Sabouni une narration qui est rapportée selon Abi Huraira radiyallahu anhu, dans laquelle il mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que notre Seigneur tabaraka wa ta'ala, il descend au dernier des cieux, hein, il descend au plus bas des cieux, durant le dernier tiers de la nuit, hein, et il dit, hein, qui m'invoque pour que je l'exauce? Qui me demande pour que je lui donne ce qu'il me demande? Et qui va me demander pardon pour que je lui pardonne? Donc ce hadith-là, il est authentique, il n'y a pas de roubar, comme on dit, il n'y a pas de poussière dessus, on vous l'a dit, il n'y a pas de doute, hein, à son sujet. Et il dit, certains ont même prétendu qu'il est arrivé au degré de tawatur, c'est-à-dire qu'il est rapporté par un nombre immense de personnes, hein, qui l'ont transmis ce hadith-là. Donc, de façon à dire que il n'y a aucun doute possible sur l'authenticité de ce hadith. Et c'est un texte qui est clair et explicite, hein, dans la réfutation des déformations et des falsifications des sectes égarées qui déforment le sens des attributs d'Allah. Donc ce hadith-là les réfute complètement et il mentionne comme exemple les shubuhat et les ta'wilat des Jahmiya et de ceux qui ont découlé de cette secte parmi les groupes d'égarement comme les Mu'tazila, les Asha'ira, les Kullabiyya, les Maturidiyya et d'autres également, les Ahbash et d'autres. Donc ceux-là, hein, quand il mentionne ce verset ou d'autres versets, comme par exemple le verset dans lequel Allah Azza wa Jal, il dit « Et ton Seigneur vient, ainsi que les anges en rang. » Eux, ils disent « C'est son commandement qui vient. » Ou bien quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah Azza wa Jal, il descend au plus bas des cieux, hein, il descend au dernier des cieux, et au dernier tiers de la nuit, eux, ils disent, c'est son commandement qui descend. Hein? Ils disent, c'est son commandement qui descend, ou son ordre qui descend. Ou bien ils disent que c'est sa miséricorde qui descend. Donc, ils interprètent la descente d'Allah en disant que c'est la miséricorde d'Allah qui descend et non pas Allah. Ou bien que c'est son commandement et non pas Allah qui descend, c'est son commandement qui descend. Ou bien ils disent que c'est l'ange qui descend. Premièrement, la miséricorde d'Allah et l'ordre d'Allah, hein, ça descend tout le temps. Pas seulement au dernier tiers de la nuit. Hein, la miséricorde d'Allah, l'ordre d'Allah, il descend à chaque instant. C'est pas seulement au dernier tiers de la nuit. Donc, si c'était ça la signification, l'ordre, au lieu de Allah qui descend lui-même, que c'était son ordre qui descend ou que c'est sa miséricorde qui descend, eh bien, dans ce cas-là, pourquoi spécifier le dernier tiers de la nuit? Et en même temps aussi, le cheikh, il explique et il dit, est-ce que la miséricorde d'Allah, elle parle? Est-ce que l'ordre d'Allah et son commandement parlent? Hein? Ou bien l'ange? Hein? Est-ce que l'ange, il descend seulement au dernier tiers de la nuit? Non, les anges descendent à différents moments de la journée et de la nuit. Et en même temps, est-ce que l'ange parle aux gens en leur disant, est-ce que vous allez m'invoquer pour que je vous exauce? Qui va me demander pour que je lui donne? Est-ce que c'est permis de prier les anges? A'udhu billah. Donc ça, c'est une interprétation qui est corrompue et totalement fausse, égarée, totalement perdue, wal'iyadhu billah. Hein, parce que l'ange ne peut pas dire ça. L'ange ne peut pas dire qui va m'invoquer pour que je l'exauce. C'est seulement Allah Azza wa Jal qui peut dire qui va m'invoquer pour que je l'exauce. Parce que le fait d'exaucer les invocations, personne ne peut le faire excepté Allah Azza wa Jal. Et l'invocation, c'est une ibada. L'invocation, le dua, c'est une ibada. Et toute adoration, elle est exclusive à Allah. On n'a pas le droit d'offrir une adoration quelconque à autre que Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça que Allah Azza wa Jal, justement, il dit dans le verset 6, 5 et 6 dans Sourate Al-Ahqaf, il dit, et qui est plus égaré que celui qui invoque ceux qui ne peuvent pas lui l'exaucer en dehors d'Allah, jusqu'au jour de la résurrection, et qui sont insouciants de leurs invocations. Et lorsque les hommes seront ressuscités, hein, lorsque les hommes seront rassemblés et ressuscités au jour de la résurrection, ils vont être leurs ennemis, ils vont être ennemis de ceux-là. Et ils vont renier ce qu'ils leur offraient comme adoration. Donc si tu te levais la nuit et tu commençais à invoquer l'ange en disant à l'ange, « Oh ange, hein, j'ai tel besoin. » Alors dans ce cas-là, tu serais un mouchrik, égaré. Donc eux, ces gens-là qui disent ça, qui interprètent le hadith de cette façon, en réalité, hein, ils sont en train de déformer la réalité de ce que Allah Azza wa Jal a mentionné pour se décrire. Et ça, ça amène à une chose, ça amène à la négation de cet attribut, et également ça amène au shirk billah, puisque ça amène les gens à invoquer autre que Allah Azza wa Jal, comme les anges par exemple, ou bien comme le cheikh il l'explique ici, il dit, lorsque tu fais un dua, tu ne vas pas dire « Oh, miséricorde d'Allah, hein? Oh, je demande à la miséricorde d'Allah » ou bien « Oh, ordre d'Allah ». Non, tu dis « Oh Allah » et tu t'adresses à Allah Azza wa Jal directement. Et tu ne vas pas prier ses attributs ou yani, autre chose semblable. Ensuite, le cheikh, il explique et il dit « Fata'wilatuhum » donc c'est leur interprétation qui sont corrompues. C'est de la corruption dans la corruption et de l'égarement dans l'égarement. Et donc, qui les a chargés de dire ce genre de choses, hein? Allah al-Musta'an, ça ne vient pas de l'islam, ces choses-là. Ensuite, le cheikh, il dit « Al-Qur'an ou yanussu ala hadhihi sifat, hein, ala hadhihi sifat, wa sunnatu tanussu ala hadhihi sifat. » ويسلم بذلك جميع الأنبياء وأمم و يعني يسلم بذلك جميع الأنبياء وأممهم الذين آمنوا بهم واتبعوهم ويؤمن بذلك الصحابة والتابعون ولا خلاف ولا نقاش في هذه الأمور أبدا حتى يأتي الجعد بن درهم ويتبعه جهم بن صفوان ثم تنفجر هذه المشاكل ويظهر المعتزلة والخوارج والروافض والأشعرية فيعطلون هذه الصفات وينكرونها ويتأولون التأويلات الفاسدة ألا يكفيكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم سلم بها والصحابة الكرام وأئمة الإسلام أنتم أروع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيري وأغير على دين الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صحابته الكرام ومن الأئمة العظام مالك والأوزاعي والثوري إلى آخره وإلى آخره يؤمنون بهذه الصفات ويسلمون بها أنتم أتقى لله وأكثر تنزيها لله عز وجل من هؤلاء ما هو إلا الهوى القاعدة هي القاعدة في كل أبواب الصفات يعني نثبت هذه الصفة التي أثبتها الله في كتابه أو أثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته أو أثبتها الكتاب والسنة على الوجه اللائق بالله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل والتأويلات التي تواجه بها هذه النصوص كلها تأويلات فاسدة باطلة وقد بين أئمة الإسلام بطلانها في كتب كثيرة وفي كتب العقائد الكثيرة والكثيرة وأئمة الإسلام يضحدون هذه التأويلات الفاسدة والتحريفات الباطلة والحجج والبراهين العقلية والنقلية، والله ووفق الله الجميع وثبتنا وإياكم على الحق والهدى، إن ربنا لسميع الدعاء. Donc le Cheikh explique que le Coran mentionne spécifiquement et textuellement et explicitement ses attributs, ainsi que la Sunna mentionne de façon explicite ses attributs d'Allah Azza wa Jal. Et donc, tous les prophètes ont accepté et se sont soumis à la foi en ses attributs. Et tout leur peuple et les nations de ces différents prophètes, ceux qui ont cru en ces prophètes et qui les ont suivis, ils ont cru en ses attributs également. Et de même que les sahaba, hein, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les tabi'oun, ils ont cru également en ses attributs. Il n'y a jamais eu de divergence ou de dispute, hein, entre eux au sujet de ces choses-là, jusqu'à ce que vienne un siècle après, ou bien longtemps après, Al-Ja'd ibn Dirham, suivi de Jahm ibn Safwan, et c'est après eux que ont explosé ces problèmes et ces divergences au sujet des noms et des attributs d'Allah. Et c'est là que sont apparus par la suite les Jahmiya, les Mu'tazila, les Khawarij, les Rawafid, les Asha'ira, les Kullabiya et autres. Hein? Et donc ils sont venus commencer à nier les attributs d'Allah, à rejeter les attributs d'Allah, et à les déformer de leur sens réel, hein, et de les interpréter par des interprétations corrompues. Est-ce que ce n'est pas suffisant pour vous que le messager, alayhi salatu wassalam, a accepté ces attributs-là tels qu'elles sont, de même que les sahaba, les nobles sahaba, et les imams de l'islam? Est-ce que vous êtes plus pieux que le messager d'Allah, azza wa jal? Est-ce que vous avez plus de jalousie pour la religion d'Allah que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et que ses nobles compagnons, ainsi que les imams de la religion, comme l'imam Malik al-Awza'i, et l'imam al-Thawri et d'autres, alors que eux, ils croyaient tous en ces attributs-là qui ont été mentionnés par Allah et par son messager, sallallahu alayhi wa sallam, dans la révélation. Et ils se sont tous soumis à ce que Allah a révélé à ce sujet. Est-ce que vous vous préservez mieux d'Allah que eux? Est-ce que vous voulez purifier Allah mieux que eux ont purifié Allah Azza wa Jal dans leur croyance? Alors, il n'y a en réalité que la passion qui dirige ces gens de bid'ah qui sont tombés dans ces égarements-là. Et la règle, c'est toujours la même règle. Dans tous les différents domaines de la croyance en les attributs d'Allah, c'est la même règle qu'on applique et c'est la même règle qu'on suit. On affirme les attributs que Allah a affirmés dans son livre et que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a affirmé dans sa sunna. Et tout ce qui est affirmé dans le livre d'Allah et la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, on l'affirme de la manière qui convient à Allah azza wa jal, sans faire de yani takif, c'est-à-dire sans essayer de chercher le comment et essayer de l'imaginer, ou sans faire de comparaison entre Allah et sa créature, sans faire de ressemblance entre Allah et sa créature, sans faire de négation des attributs d'Allah Azza wa Jal, sans déformer et interpréter faussement les attributs d'Allah Azza wa Jal. Et donc, toutes ces différentes interprétations que les Jahmiya ont amenées au sujet des textes, des attributs d'Allah Azza wa Jal, et ces fausses interprétations, ce sont toutes des interprétations fausses, et les imams de l'islam ont clarifié la fausseté de ces déformations et de ces falsifications de sens des attributs d'Allah dans plusieurs de leurs livres. Et dans les livres de la croyance, il y en a beaucoup, il y en a énormément. Et les imams de l'islam, hein, ils ont complètement réfuté et détruit les fausses interprétations et les falsifications des gens de Bid'a parmi les Jahmiyyah et les Mu'tazila et la Sha'ira, avec des arguments qui sont des arguments tranchants et des preuves et des évidences claires qui sont basées sur la raison et la révélation. Donc ça, c'est suffisant pour le croyant, le croyant sincère, pour comprendre ces choses-là. Donc on est arrivé à un point où on va s'arrêter et on continuera la semaine prochaine, incha'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.